Exercice 4, page 14. A. Mon père s'appelle Bernard. B. On mange des pâtes ce soir? C. J'ai appris ma leçon. D. Tu habites à Marseille? E. Où se trouve la rue Piat? F. On ajoute du maïs?